بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتنبيه كونسيسكيس بارابور أو درس السابع هي بو دو بيل. دونك أون ريبيت أنجيستري. دونك نقفز مباشرة إلى الدرس الثامن الويتيام من الوحدة الثالثة لا تخوزيم يونيتي وبعنوان ريحة بالقطار. طيب، كي الواياج اون تران. ريحة نبي ديك سو ديال واياج دي بوا سو ديال فول دي بوا سو بوت اون فيغي وقطار سي تران. فبيل قطار، طيب بيل قطار سي اون تران بار لو تران. الكلمات الجديدة là ce qu'on faisait, on a fait une moragia de tout, tu te rappelles? On a fait une moragia de tout. Attends, là il y a un mot, je ne le connais pas, je vois donc un mousse. Un mot, je ne me rappelle pas de lui. Il est où? Hawaïat. طيب، هم يوصي هوايات. وعليكم السلام. C'est comme c'était une occupation. Ou un hobby. Non, un hobby, une chose que tu aimes beaucoup faire. Vous voyez ? Un hobby. Kétor, c'est le train. On l'a dit, shahada yushahidu ala fi'al, qui veut dire témoigner, mais là il veut dire contempler, regarder. Il y a deux sens. Il y a deux sens encore, mais là ce qui est voulu c'est contempler, regarder. Comme le prouve le mot qui vient après, qui est al-manazir. Al-manazir, c'est le paysage. C'est un djem, c'est un pluriel. Le moufrak c'est mandar. Taïb mandar. Wa el manazir, c'est le pluriel. Mahatta, c'est une station ou la gare. Un peu comme Mouqif. Taïb, un peu comme Mouqif. Otlatun, c'est les vacances. Congé. Congé. Mania, c'est un isme fa'il. De mana'a yamna'u, qui veut dire interdire, empêcher. Et la mania, c'est un empêchement. Donc on disait. Il y a fakot d'abord, j'ai oublié. Fakot, qui veut dire c'est tout. Fakot, qui veut dire c'est tout. Et lakin veut dire cependant, mais, néanmoins, ainsi de suite. On a Kathleen et Roi, Kalou, Yakoulou, Bess, dernier Bess. Bess, Marna, Fakot. Mais je crois pas que c'est du Fosra. Non. Dans ce sens-là, un man en baisse, ça peut être un mal ou une chose, un problème. Mais là, comment il emploie eux, c'est, je ne crois pas que ce soit du fausse. De toute façon, là, le DS, il est court. Alhamdulillah, on va pouvoir le prendre en entier.

L'enfant est monté sur le vélo, la fille est montée sur le vélo. Non, l'enfant a cuisiné la nourriture et la fille a cuisiné la nourriture. Tabakha, c'est que j'ai cuisiné. تسلم الولد التذكير تسلم تسلم تسلمتي لا تعرف جوست انت سيتو تسلمتي تسلمت نعم تسلمت تسلمتي تسلمت البنت نعم تذكره لماذا le garçon a reçu le billet et la fille a reçu le billet hein pourquoi on n'a pas mis une soukoune là sur le mime comme les autres. Par exemple, Hafiz, Hafiz, Hafiz, attends. Hafiz, il n'y a pas de soukoun. Ah non, je suis en fou. Sabian. Hajaz al-walad al-makan, hajazatil bint al-makan. Non, l'enfant, le garçon a réservé la place, la fille a réservé la place. Saminan. شاهد الولد مناظر مناظر شاهدت البنت بنت المناظر مناظر مناظر مناظر طيب طيب الطاعة الولد الأب الأنفان أبي وبيع كيف تقول بالبنت أطاعتي أطاعتي البنت الوالد الأب والوالد والوالد الأب طيب ساعدت ساعد الولد الأم ساعد سيدي طيب الأنفان أيدي la mère سعادتي البنت الأم الأم الأم نعم نصح الأب الولد le père a conseillé l'enfant maintenant je veux que tu mettes le féminin de أب نصحت الأم الولد نعم رب Rabba el ab el walada. Le père a éduqué l'enfant. Rabba yurabbi, c'est éduqué. Rabbati. Rabbati. Rabbati bintou. La. Rabba el walad. La. On connaît Rabba el ab. Elle est nourrine. Ah. Féminin du ab, c'est qui? Rabba el um. Rabbat. Rabbati el um. El walad. Naam. مثلا بس تشعر بلي بيان سور كي تي با دون ليف سو تي بيان كي يوز جون اكزامبل دون ليف طيب ثانيا حول كما في النموذج طيب ترانسفورم كومون ليكزامبل ربا هيك الف مكسور مفهوم دو يا نموذج اشاهد المناظر طيب شاهدت المناظر دونك لا مينون يمي المضارع اي الماضي avec انا كيف تقول مع ضمير انا دونك اشاهد سي جو ريغارد او جو كونتمبل لي بيزاج اي شاهدت المناظر سي جي كونتمبلي او جي ريغاردي لي بيزاج Et bien sûr, c'est un verbe quoi? Ushahidou, il commence par un damma. C'est un quoi comme verbe, Daoud? Ahsant, un rubai, quatre lettres. T'as vu, jumel oula, andak. Ursilo rasail, arsaltu rasail. Ah? Arsaltu. Ah, j'ai pas entendu. Arsaltu rasail. Allez, moi j'envoie les lettres. J'ai envoyé les lettres. Fanyen. ألعاب الكرة On a timé le mardi avec Damir Muttasil. Nam. Nam. J'ai joué au ballon, j'ai joué au ballon. Nam. Al-Abou, c'est joué. Nam. Nam. Al-Abou, c'est joué. Falifan. J'ai mémorisé le cours, ou je mémorise le cours, j'ai mémorisé le cours. Ça, c'est le meilleur exemple qu'il y a dans toute la série des phrases là. Mashallah. Sur 8 phrases, c'est la meilleure. C'est permis le restant, attention, je ne dis pas que c'est haram ou quoi, mais Hissoul Stirbeb, ce qui est préférable, c'est le meilleur exemple. Et encore, j'espère que c'est un cours, c'est pas un cours de. Je sais pas moi, de Hindassa, d'architecture ou. Là, ça devient haram. Là. Non. Faddal, le Rabia. Là, celui qui est en face. Arkabut Daraja. Daraja. Daraja. Arkabut Daraja. Rakibtu. Non, je suis monté sur le vélo ou la moto. Parce que des fois, on ne met pas forcément tout en nariya. Des fois, on met darraja comme ça, tu vois, pour, en abréviation. Et ça veut dire aussi une moto. Mais à la base, darraja tout seul, ce sera un vélo. Khamisan ? Non, je cuisine la nourriture. J'ai cuisiné la nourriture. Saadisan ? Je reçois les billets, j'ai reçu les billets. Non, je réserve la place, j'ai réservé la place. Faminam. Là. C'est pas Nazara. Regarde bien les lettres. Il y a tel. Il y a cool. Antaziru. L'autre là. Là. C'est vrai qu'ils n'ont pas mis verbe. Khali, les voici après l'eau. Comme tu connais pas le verbe, peut-être. Non, Intazartu. C'est Intazara, ça veut dire attendre. Je crois qu'on l'avait cité de nous-mêmes, il n'est pas dans le texte, je crois qu'on l'avait cité de nous-mêmes dans un cours. Intazara, intaziru, c'est attendre. Alors là, c'est les vacances. طيب ثالثا يقول اكمل كما في النموذج كومبليت كوم دون ليزيمبل يقول هل تفضل كذا او كذا طيب دونك لا entre les deux trous faut mettre en dessous il propose الطائره et القطار donc tu veux dire quoi هل تفضل الطائره او القطار Donc là, on a les deux phrases. Ça, on va le laisser pour l'Yumisept, Inch'Allah, samedi. Juste, on vérifie qu'on connaissait bien tous les mots, qu'il n'y a pas un mot nouveau qui soit infiltré. Ad-Darraja, Al-Sayyara, Ma'alouf. Al-Hafila, Sayyaratul Ujra, Ma'alouf. Al-Dirasa, Al-Amel. الدراجة الأولى الدراجة السياحية. هذه هي الأولى كلاس ولا كلاس لا كلاس إيكو. السفر العودة. لا لا نترجم على ليل الغتور. طيب. بيكسوتيلوس يعني الذهاب والعودة. ولا أش بس كيف يقول كوا لا ليل الغتور. الكتاب الصحيفة. le livre le journal. الأكل النوم. nourriture et le sommeil. الطائرة القطار l'avion et le train on va rajouter الفقه النحو ف ق ه ثقة ف ق ه النحو نون ح واو. طيب الآن كملنا الجزء الأول وقال بارتي قراءة اقرأ غير بارتي قراءة. Donc il y a deux nouveaux mots, Medina, qui veut dire ville, ou Mubakiran, qui veut dire tôt. Mubakiran, qui veut dire tôt. C'est à qui de lire là cette fois ? Tfaddal. فضل مالك السفر بالقطار إلى مدينة الدمام. Est-ce que traduire, tu peux? Malik préfère ou a préféré? A préféré ou préfère? C'est un mot dit. Donc là, tu le nommes. Malik a préféré voyager en train, avec le train, jusqu'à la ville de Damam. Nam. فأكمل إجراءة السفر ثم اشترى ثم اشترى تذكرة ثم اشترى تذكرة وهجز مكانا في القطار. فا سي اون ديري با الوغ ها فا لا اون ديري با الوغ فا اكمل لو فا لا اون ديري با الوغ الوغ الى Alors, il achève ses formalités de voyage, les formalités de voyage. C'est un mardi. Akmala. Il acheva. On le compléta. C'est un mardi. Ah ouais. Ah oui. Ah non, oui. Il a achevé ses formalités, les formalités de voyage. Puis, il a acheté des billets. Un billet. Un billet de réservation. Là. Un billet et. Et. Réserva. Un billet. Ah non. Un billet et il a réservé. Il a réservé un lieu de une place dans le train. Naam. ذهب مالك إلى المحطة مبكرا قبل معادرة القطار. Naam. Malik est parti vers la station, à la gare, À la gare, non. Il est parti vers la gare de. Ah, là tu dis pas. À la gare tôt. Non. Il est parti tôt à la gare en fait, c'est ça? Non. Il est parti tôt à la gare avant. Muradara. Avant le départ du train. Non, c'est ça. Wahunaka qabala sadiqatu tariqan qariba al qitar. Ah, Aïd, صديقه طارقا. طارقا. ثم. Ensuite. طارقا. فركب. فركب. فركب. فركب القطار. Et là-bas, il a rencontré son ami Tariq. Tariq. Ils montèrent dans le train. Ils sont montés dans le train. Non, bah le Alif, il revient à deux personnes. C'est Alif Al-Istin qui revient à Malik et à Tariq. Ça, c'est une règle de Nahou, ça ? C'est dans le sol, ça. Dans le sol, ça. Donc, ils sont montés dans le train. Wa min al-qitari shahada manadira jamilata. Et dans le train. C'est ça. Ouais, tout bien. Ils ont contemplé le beau paysage. Les beaux paysages. Les beaux paysages. Non. T'as eu ma foule là. Ah voilà, ni à quoi les assises, c'est à quoi ni au mesept, Kadhalik. Il y a des questions là. Tout ce qu'il y a à faire, ça sera pour samedi, Inch'Allah. أولاً أجيب عن الأسئلة الآتية. Réponds à la question suivante. إلى أين سافر مالك. طيب وي بارتيون فواياج مالك. ثانيا بأي وسيلة سافر. Par quel moyen a-t-il voyagé? Bi-ayyatin, c'est la fin bi-ayya, c'est la même chose. Bi-ayy, c'est-à-dire par quel? Ayya, on a dit, c'est-à-dire quel? Mm-hmm. Avec le thème al-bouton, là, c'est pareil. Pas de différence. C'est pourquoi? C'est pour le féminin, en fait? Pas forcément. Pas forcément. Parce que le ayy, il ne se conjugue pas avec les... Ayya, ayya, seyyar, on va dire ayya, seyyar. Ayya, tu peux le dire? Aïe tout seigneur. Je peux le dire aussi. Non. C'est pas obligé que tu le fasses suivre en genre avec ce qui vient derrière. Thalithan, ma hiya ijra'atu safar. Quelles sont les formalités de voyage? Rabi'an, ma'za shahada malikun wa talikun min al-qitar. Qu'est-ce qu'on contemplait malik et talik depuis le train ou dans le train? ثانيا أجيب عن أسئلة آتية. يكون كسر في مات. هل سافرت بالقطار؟ أتوجه يجي أنتها. ثانيا إلى أين؟ ذهو. ثالثا. ولا ثالثا لماذا فضلت السفر بالقطار؟ pourquoi tu préférais le voyage en train؟ si tu le préférais. Ouais, c'est ça. Parce que souvent les gens préfèrent l'avion. Quand tu n'as pas peur de l'avion, voyez, les gens préfèrent l'avion en général. Du moins, avant, maintenant, à Audeville. Parce qu'à l'avion avant, il y avait Val façade, mon frère. Les hôtesses de l'air, les films, la musique. Hein, ils donnent du porc, ils donnent de l'alcool. Maintenant, dans les lignes aériennes, certaines lignes aériennes de l'islam. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de porc. Il y a toujours des femmes. Et là, les femmes, ils ne vont pas lâcher. Tu vois? Il y a la télévision aussi, là. Égyptaire, c'est machin. Égyptaire, ce que j'ai pris égyptaire, je ne me rappelle pas. Égyptaire, il y a de l'alcool dedans. En Saoudie, dans les lignes saoudiennes. Les meilleures lignes, c'est les saoudiennes et les yéménites. Et il y a des femmes. Et il y a des filles. Et c'est les meilleures. C'est celles qui sont les moins graves, on va dire, alors qu'il est. C'est les saoudiennes et les yéménites. Et il y a des femmes, et il y a la télé, et la musique aussi. Non, mais tu la poses pas, tu peux la choisir. Ouais, heureusement, tu la poses pas. Pas bientôt, ils vont pas la poser. C'est. Alhamdulillah, il y a Moussa Dal pour faire salat. Ah bon? Ouais. Dans l'avion? Ah, vous avez une petite place pour faire salat. Égyptaire, je sais pas si. Non, pas Égyptaire, je parle des lignes émites et saoudiennes. Tu vois un Moussa Dal? Ah, les autres, je sais pas. De toute façon, si t'es en voyage après, c'est fini. Je sais pas si t'as besoin de ça. Hein. De quoi? Je dis pas quoi si dur longtemps. Bah, parmi les chouroutes de la salade, tu sois en prière, sois debout. Ouais, non. Donc, normalement, si tu peux mettre debout, faut te mettre debout. Même en voyage. À conseil en salade, ça peut être que tu fais la salade assis. Ah, voilà. Tu peux la faire assis, t'as pas le choix. Mais si tu peux être debout, t'es obligé de la faire debout. Ah, merde. Donc, eux, c'est des lignes des musulmans. Donc, quand même, ils vont pas faire une place pour adorer Allah. Ils mettent des grands écrans, je sais pas combien, il n'y a pas un salat. Ah, ben, ça va pas, là. Ouais, alhamdoulilah, ils l'ont fait un minimum, au moins il y a ça, tu vois. Il y a une petite place. Moi, j'ai pas pris, les frères m'ont raconté. Moi, j'ai pris l'Yéménite, mais quand je les ai pris, alhamdoulilah, c'était pas l'heure de la salade. J'ai pas besoin de la faire, mais les Saoudiens, les frères qu'ils ont pris, m'ont dit, il y a un lieu pour faire salade. Mais c'est obligé, c'est petit. Donc, obligé de faire des groupes différents. Salé Fan, Rabia Nafouen, Kem Dafarta, Qimat Al-Tazkira. Combien as-tu payé le prix du billet? خامسا أين وضعت حقيبة ملابسك؟ Où as-tu posé la valise de tes vêtements qui contiennent tes vêtements, voilà. سادسا la fin chial. Voyez, des fois il y a des mots que je demande, tu connais peut-être pas, tu les cherches. Où tu as posé ta valise, tu cherches comment dire une soute ou comment dire un truc. Alhamdulillah, il y a des dictionnaires, il y a des frères. Un petit chial, inshallah. Chercher des nouveaux mots qui ne sont pas dans le livre. Sadisan, min al-qitari, shahadta manazir jamilatan, mahia. Donc depuis le train, tu as contemplé de beaux paysages. Qu'en sont-ils? Les Alpes, les Pyrénées. Quels sont-ils? La Seine. Mashallah.